même plus de larmes dans leurs yeux si grands. Les enfants d'Éthiopie embarqués sur un navire qui n'a plus ni voile ni rame, attendent le vent. Loin du cœur et loin des yeux, de nos villes, de nos banlieues, l'Éthiopie meurt peu à peu, peu à peu. Rien qu'une chanson pour eux, pour ne plus fermer les yeux. Loin des clichés véhiculés par nos chanteurs et nos chaînes de télévision, loin des images de famine et de déserts arides qui ne reviennent instantanément, Original Shumi vous présente ce soir une autre facette de ce pays. Une Éthiopie aux cultures plusieurs fois millénaires, riche, moderne, et qui, comme en Occident, a connu une effervescence sans pareil dans les années 70 et dont la musique fut le principal étendard. À l'époque même où la tension internationale se focalisait sur le drame télégénique d'une famine cyniquement orchestrée par un régime dictatorial, le morceau culte de Mahmoud Ahmed, Eremela Mela, parvenait enfin à atteindre les oreilles occidentales. Eremela, Dove la vela era vela, dove la vela era vela, al vele che fecere cancilela. Dove la vela era vela, dove la vela era vela, al vele che fecere cancilela. De la musique éthiopienne, c'est longtemps limité aux disques cultes de Mahmoud Ahmed et Remela Mela. Seule parution d'un artiste éthiopien en Occident en 1986 chez Kramed Records, label belge qui existe encore et édite des musiciens du monde entier. Ce son chaloupé, si singulier, si différent de tout ce que l'on connaissait en provenance du continent africain, fut fêté partout dans le monde comme l'une des meilleures parutions 86 par le New Musical Express, le Q Magazine, le New York Times entre autres. Très peu de gens ont fait le lien entre Mahmoud Ahmed et le pays d'où il venait. Et le grand intérêt qu'avait provoqué la sortie de ce disque retomba très vite. Seulement Mahmoud Ahmed était juste la partie immergée de l'iceberg. Francis Falsetto, alors programmeur et directeur artistique, notamment au Confort Moderne à Poitiers, était déjà fan de musique du monde et était déjà allé en Éthiopie à l'époque où le pays était encore sous la dictature du Négus Rouge, comme on l'a surnommé, Mengistu Haile Mariam. Très tôt, il se rendit compte que les musiques éthiopiennes étaient totalement inconnues sous nos latitudes et décida de s'y consacrer à temps plein. Lui aussi avait été étonné par cette pop urbaine, électrique et cuivrée, dansante et hypnotique, déchirante et funky, que produisaient les artistes pendant l'âge d'or de la musique éthiopienne, qu'il situe entre 1969 et 1978. C'est grâce à son travail minutieux et difficile de chercheur que l'on peut vous parler maintenant de cette époque révolue, oubliée même par une grande majorité des Éthiopiens, dont la fin sera provoquée par la prise du pouvoir du Derg, sorte de comité révolutionnaire aux idéaux et pratiques staliniennes, dirigé par Mengistu, et qui pendant 18 longues années fera taire toute création et provoquera une fuite de quasiment tous les musiciens. On vous a déjà parlé de musique éthiopienne dans Original Shumi, notamment par le biais de ZX qui collabore avec des musiciens éthiopiens depuis quelques années. Mais cette émission va être consacrée uniquement à cette musique dans sa période la plus prolifique. Et on parlera aussi de l'Éthiopie en général, comment son histoire, sa géographie, les musiques traditionnelles ont pu influencer les productions de l'époque, du rôle très important des orchestres, des institutions, où des formateurs européens ont instruit des musiciens éthiopiens qui deviendront par la suite les acteurs de cette effervescence musicale, aussi des labels et plus rapidement ce qu'il est actuellement de la production. Générique. Il y en a deux autres là-bas. Oh. y a une mission impossible, on nous envoie un éclaireur. Hmm? Oui, je sais, tu ne m'as jamais vu si inquiète. Mais c'est parce qu'on ne revient jamais de cet endroit sinistre. L'Éthiopie est un pays grand, la France et l'Espagne réunies, qui compte plus de 70 ethnies différentes, aux traditions propres à chacune. Il existe 72 langues différentes, dont les principales sont le tigrénia, l'arabe, l'oromo, le somali et aussi l'amharique, qui est le langage officiel et parlé par 30% de la population et utilisé principalement dans les chansons que nous allons écouter. L'Éthiopie a 3000 ans d'histoire souveraine. Le mythe fondateur du royaume est celui de Salomon et de la magnifique reine de Saba, qui, 1000 ans avant Jésus-Christ, rendit visite à celui-ci à Jérusalem. Ils seraient tombés amoureux et de leur union serait né Ménélique Ier, le fondateur de la dynastie des Salomonides, qui ne prendra fin qu'en 1914 à la mort de Haïlé Sélassié, dernier empereur d'Éthiopie. Plus encore que l'occupation italienne, que les expéditions anglaises, égyptiennes et soudanaises, c'est au XVIe siècle, l'invasion musulmane, conduite par l'imam Ahmed ben Ibrahim el-Ghazi, surnommé Ahmed Gran, le gaucher, qui mit réellement en péril l'indépendance et l'identité nationale éthiopienne. De 1528 à 1543, Gran mit le pays à feu, au point même que beaucoup de ses soldats moururent de faim, et détruisit une grande partie de l'héritage littéraire, architectural et culturel du pays. L'empereur Lepna d'Angel, réfugié dans une région montagneuse libre, fit appel au Portugal qui envoya plusieurs hommes armés secourir ce pays chrétien en Orient. Entre son appel à l'aide et l'arrivée des Portugais, c'est-à-dire quelques mois, Lepna d'Engel mourut et c'est son fils et successeur Gela Dewos qui vaincra Gran en 1543. Mais cette contribution des Portugais fut le début de l'aventure missionnaire en Éthiopie qui dura quand même près d'un siècle. C'est par la diplomatie, l'habileté et aussi en partie par leur maîtrise musicale que les jésuites gagnèrent la confiance de la cour et de l'empereur Sounéios, qui régnera à partir de 7. Celui-ci, converti, proclame le catholicisme, religion officielle d'Éthiopie, scandale de l'église orthodoxe éthiopienne, puante. Il provoque alors une crise nationale grave, suivie d'une véritable insurrection populaire. Sounéios est chassé du pouvoir, c'est son fils et successeur désigné Phasilidas, qui fera chasser et des fois tuer les jésuites dès son arrivée au pouvoir en 1633. Dans un certain sens, cet épisode portugais a été pire que les invasions musulmanes. En effet, l'invasion des troupes de Gran a longtemps été interprétée comme une guerre entre chrétiens et musulmans, alors que les vraies raisons étaient d'ordre économique. Mais que des chrétiens et étrangers aient pu essayer de les déposséder de leur foi orthodoxe, de leur culture, leur était une idée insupportable. On peut penser que c'est à partir de cette époque que s'ancre le nationalisme éthiopien. C'est aussi là qu'on commençait influence musicale européenne, même si, après la fuite d'Égypte, l'église orthodoxe n'a rien fait pour en garder quelque trace que ce soit. L'Éthiopie est le seul pays d'Afrique à n'avoir jamais été colonisé, en dépit de ses multiples convoitises, hormis l'occupation de l'Italie mussolinienne de 1935 à 1941, et échappa ainsi au formatage colonial qui fut la règle sur tout le continent africain. Cette aptitude à la résistance, liée à un sentiment d'appartenance nationale très affirmé, a beaucoup contribué à développer une identité musicale spécifique tout au long du XXe siècle. Alors que ce pays n'était pas moins exposé que les autres pays africains aux influences extérieures, comme les missionnaires, les musiciens de passage. C'est aussi un pays africain, en cette période de colonisation, à appartenir à la Société des Nations en 1924. Et la capitale Addis Abeba deviendra le siège de la communauté économique des Nations Unies pour l'Afrique. Des plateaux riches et verdoyants, situés à plus de 2000 mètres d'altitude, représentent 2/3 de la surface du pays. Ces plateaux forment une véritable forteresse infranchissable, ce qui a aussi contribué à façonner ce pays et le génie propre à ses habitants. Les Éthiopiens des hauts plateaux semblent penser que leur pays est une île séparée du continent africain. Il y a un profond désintérêt culturel, politique ou musical pour tout ce qui concerne l'Afrique et le reste du monde. C'est dès le 4e siècle que l'Éthiopie devient un pays chrétien, avant même les Francs, les Burgondes, les Saxons, les Lombards, et plus de 6 siècles avant les Polonais, les Hongrois ou les Russes. L'emprise de l'Église copte orthodoxe sur la société éthiopienne lui confère la même importance que le catholicisme romain dans la vieille Europe. C'est aussi le premier pays d'Afrique à utiliser l'écriture. Tout ceci pour dire quoi ? Que ce mélange de cuivre digne des grands bands américains, d'instruments électriques et percussifs, de mélodies reposant sur des gammes pentatoniques utilisées depuis la nuit des temps, est le résultat d'influences américaines et européennes, comme on va le voir dans quelques instants, mais aussi d'un éthiocentrisme hérité d'une histoire plusieurs fois millénaire, car cette musique est finalement profondément éthiopienne. Yani tesfanesh, anchi lila trakin kabite. Kanchi baseker, alisham tkagize mode. Uvetesat to sharka kzete meriko. Ay, ay, ay, ay, aki, tadenko. Umena shinsan, tisilenyal hule jawata. On peut dire que l'histoire de la musique moderne éthiopienne commença par l'envoi d'un kit de fanfare complet, près de 40 pièces, par le tsar Nicolas II pour rendre hommage à l'empereur Ménélique II qui avait bouté l'envahisseur italien hors d'Éthiopie lors de la bataille décisive d'Adoua en 1896. Cette victoire sur l'Italie aux intentions colonialistes a eu un impact énorme, déjà sur le pays qui reste ainsi l'un des seuls non colonisés d'Afrique, mais aussi dans le monde entier, comme le début de la fin d'une ère. Pour les peuples qui combattront le colonialisme et les militants qui se battront pour la liberté en Afrique et partout ailleurs, la victoire d'Adoua pose les bases du mouvement panafricaniste et du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. C'est donc ainsi que naquit la première fanfare impériale. Lors des Gbebers, festin offert par l'empereur à des milliers de convives, la fanfare jouait aussi bien entre des airs traditionnels, des hymnes russes ou français, ainsi que des pièces légères comme Froufrou. Mais Ménélique ne semble pas avoir été ému plus que ça par ces fameux cuivres, et laissa déjà des instructeurs étrangers, notamment le polonais Milewski, le comte de la Guy Bourgère, former des Éthiopiens aux instruments. Il faut préciser que la musique en Éthiopie est jusqu'alors considérée comme un art méprisable. Il fallut donc à ses formateurs aller chercher des Walamos, un peuple du sud récemment soumis à Ménélique, car aucun Abyssin ne voulait se rabaisser et s'humilier à souffler dans ses instruments. La musique en Éthiopie à l'époque était foncièrement malfamée. Ceux qui la pratiquent appartiennent à de basses castes, où être nègre, esclave ou musicien revient quasiment au même. Il faut savoir que l'esclavage était pratiqué en Éthiopie et sera aboli par Haïlé Sélassié vers 1930, en même temps qu'il crée la première constitution. Les musiciens étaient donc recrutés parmi les populations méridionales, car pour les Amara et les Tigréens, peuples nordistes qui se sont partagés pendant des siècles la domination du pays, il n'était pas concevable de faire de la musique. Leurs musiciens traditionnels, les Asmari, sortent de troubadours utilisant un langage à double sens, souvent assez sarcastique, et jouissant d'une certaine liberté de parole, constituent toujours une sorte de caste marginalisée, méprisée et en même temps appréciée. De nos jours, qu'il soit bard traditionnel, guitariste électrique ou chanteur pop, le musicien éthiopien est considéré comme un Asmari. Les Asmari peuvent être comparés à nos troubadours, bien qu'ils n'interprètent pas que des chansons d'amour. Ils sont les poètes d'une tradition à la fois ancienne et actuelle. Ils racontent les grandes épopées bibliques et les mythes fondateurs de l'Éthiopie, et aussi improvisent sur des sujets variés comme la politique, l'amour, les gens autour d'eux. Les Asmari étaient complètement itinérants, ne vivaient que de la musique et allaient de marché en marché, de village en village. Depuis la réforme agraire de Mengistu, des terres leur ont été données et beaucoup sont aussi paysans. Ils chantent lors des mariages, des anniversaires, pour entraîner les travailleurs pendant les moissons. On les rencontre aussi beaucoup dans les villes, où ils jouent dans de petits bars nommés Asmari Bet, où il est un peu moins difficile de gagner sa vie. Le chant est souvent accompagné du masinko, instrument à une corde, ou du krar, sorte de lyre à six cordes. On va écouter Ale Mouaga, qui est un grand joueur de la harpe Egena et un chanteur à la voix pleine de spiritualité. Baby, don't worry. La harpe Egena est un instrument religieux à 10 cordes utilisé dans la religion orthodoxe. Sa fonction est d'aider à l'apaisement pour mieux pouvoir se recueillir et prier. Les Éthiopiens croient que la harpe Egena vient d'Israël et que la première personne à en avoir joué est le roi David. Elle existerait donc depuis 3000 ans. La journée, Ali Mouaga tient un magasin où il vend divers ustensiles et joue le soir quand il a fini son travail. ስክለቱን እንዲባርሙ በእንዲህን ያል ምክንያት አልቀው ሕፃናቱን የዮሴፍ ሶሎሜ ጌታ ከነናቱን ሆረ ደብረ ብስቋም ምድረ ግብ ስደቱ በዚያ በበረሃን በመንከራተቱን ውሃ የለመነች እመቤት እናቱን የሄሮድስም ጥፋት ተሰማና ሞቱ ምድረ ናዝሬት ገባች ከሕይወት ርስቱን ከቶ አይቀርም ሞቱ ወዲያውም ደረሰን ለመምህርነቱን አርባ ሌሊት መዓልት ጾመ ወጸሎቱን በእደ ዮሐንስ በባህረ ዮርዳኖስ የጌታ ጥምቀቱን ተጽዕኖ ገባ በነአስ እድገቱን ሆሳዕና ዳዊት ለዓለም መድኃኒቱ ኪርያላይሶን ብለው ሰግደዋል ካህናቱን ደቂቃ ሰራዊት አልቀሩም አበይቱን ጌታችን ተይዞን በጊዜ ሰለስቱ ወድቆ ተገረፈን ለምለም አካላቱን ሰቀሉ ከኢየሱስ ግፍኦሙ ዝንቱን ዘለፌ ወለፌን አይባን ተማቱ ፀሐይም ጠለቀች ሆነ እንደ ሌሊቱን ጨረቃም ደም ሆነ ሸሸ ብርሃናቱን ከዋክብት ረግፈው ታጡ ካሉበቱ ሲገርፉት ሲያዳፉት ሲወድቅ በደረቱ ከቶ አይቀርም ሞቱ በስተኋላው ቁመው ስበው ወደ አንገቱን በስተፊቱ ቁመው ስበው በደረቱን ስቅሎ ስቅሎን አሉት ሲዛበቱ ሲገርፉት ሲያዳፉት ሲወድቅ በደረቱን በከት ማርያም አዘነች እናቱን ከቶ አይቀርም ሞቱን ምንም ቢታክቱ ምድረ ቀራንዮን መስቀል መሰረቱን ጌታችን ተነሳ በለተ ሰንበቱን መጎስቆሉ ቀረን መጣ ጌትነቱ ጽኑ ሽብር ሆነን አይሁድ ተጸጸቱን ዲያብሎስ ድል ሆነ ከነ ሰራዊቱን ቁልቁለት ወረደን በመትት ርስቱ አዳምን አወጣው ምስለ ብእሲቱን ወዲያው ገነት መራው ከቀደምት ርስቱን እጹብ ድንቅ እንጂ ነው የጌታ ስቅለቱ ከቶ አይቀርም ሞቱን ምንም ቢታክቱን ምን ቢሰነበቱ ከቶ አይቀርም ሞቱን። En 1916, le successeur désigné et petit-fils de Ménélique II, Lich Yasu, a été déposé par la noblesse et l'église pour suspicion de conversion à l'islam. La fille de Ménélique, Zaouditou, sera proclamée impératrice d'Éthiopie et son cousin le Ras Teferi, Ras qui veut dire duc, deviendra prince héritier et régent de la couronne. Il faut préciser que Rastafari a été traduit en anglais Rastafari. À suivre d'ailleurs très bientôt une émission originale Shumi sur les liens rastafarisme et Éthiopie. Teferi sera couronné empereur à la mort de Zaouditou en 1930 sous le nom de Haïlé Sélassié Ier. En 1924, alors en escale à Jérusalem lors d'une tournée diplomatique européenne, le Rastafari est impressionné par la fanfare qu'il accueille et décide de l'engager pour le compte de son royaume. Cette fanfare était en fait constituée de jeunes orphelins arméniens rescapés du génocide perpétré par les Turcs en 1915. Ainsi arrivèrent à Addis Abeba ces 40 musiciens avec un instructeur, lui aussi arménien, Kevork Nalbandian. Cette fanfare deviendra le premier orchestre officiel d'Éthiopie. Et à la demande du prince, Nalbandian écrira même l'hymne national éthiopien, qui le restera jusqu'en 1974. C'est sous l'influence de Nalbandian que la musique moderne éthiopienne trouvera ses racines. Bien qu'à l'époque on soit encore loin des grands orchestres sous influence de la mode américaine. Mais loin d'imposer un style européen, Kevork s'attache à composer et arranger des chansons éthiopiennes. C'est sous son impulsion que l'éducation musicale et la musique à l'européenne gagnent du terrain en pays abyssin. Par la volonté du RAS, la musique deviendra l'apanage des institutions. La garde impériale, la police, l'armée doivent avoir leur fanfare. Kevork Nalbandian sera le premier d'une importante lignée de musiciens et instructeurs arméniens à venir en Éthiopie former des instrumentistes. Dans les années 30, il fera venir plusieurs membres de sa famille, son frère Agop, qui deviendra répétiteur de la fanfare de l'armée, mais surtout son neveu Nerses Nalbandian, qui depuis l'après-guerre jusqu'à sa mort en 1977, contribuera de manière déterminante et durable à l'effervescence de la musique éthiopienne moderne. Avant l'invasion italienne en 1935, l'Éthiopie comptait plus de 250 exécutants dans les différentes fanfares officielles. Pendant l'occupation, les Italiens ont mis un terme à tout ça. Thank you. shin garni kahet shwadya be fikr yem tas chagri fikr le bichaye ያሰላሰልኩሽ ከንፈሬን ሳኝከው ዋ ነበረች ማለት መንፈሴን አወቀው አው ተለየሽኝም À la libération en 1941, il ne restait quasiment plus rien des bases posées avant la guerre. Tout était à refaire. Elle et Sélassié, rentrés de son exil en Angleterre, étaient préoccupés de reprendre en main son pays qui avait tant souffert, et la réorganisation des orchestres institutionnels jouera son rôle dans cette nouvelle ère. Ainsi, à la suite de Narcès Nalbandian, une multitude d'instructeurs européens vont être conviés à Addis Abeba pour relancer les grands orchestres officiels. Polonais, viennois, italiens, arméniens. Parmi les meilleurs, le violoniste polonais Alexander Kantorowicz travaille la formation de la garde impériale, si chère à l'empereur, et essaye de s'écarter de la musique militaire en pratiquant un enseignement musical calqué sur celui des conservatoires européens. Il écrira aussi des arrangements de mélodies éthiopiennes traditionnelles. C'est le pianiste et chef d'orchestre viennois Franz Zellweger, porté sur le jazz à la Glenn Miller, qui apportera une note déterminante de ce qui deviendra le groove éthiopien des années 60. Dans les années 50, il créera le Yekeber Zebenia Orchestra Yejazz, donc littéralement la section jazz symphonie de l'orchestre de la garde d'honneur, qui lors des réceptions de l'empereur jouait des compositions américaines et européennes, de Gerwinch, Glenn Miller entre autres, mais aussi du mambo, du tango, toutes les musiques à la mode à l'époque. Peu à peu, chacune des autres fanfares officielles va développer une section dite jazz, qui mêle airs internationaux à la mode et arrangements de mélodies éthiopiennes. C'est à ce moment que la musique éthiopienne trouve ses accents cuivrés, si caractéristiques durant plus de 20 ans. Le swing s'enracine en Éthiopie avec ses clichés, ses modes et un parfum de modernité. En dehors du cadre officiel des réceptions de l'empereur, des concerts orchestrés par Zellweger sont donnés au tout nouveau Ras Hotel pour l'élite éthiopienne et le tout à 10. On y entendait principalement de la musique symphonique, Bizet, Dvorak, Schubert. Zellweger deviendra en 1955 directeur du rutilant théâtre Haïlé Sélassié Ier. Il en fera le lieu où le grand public viendra écouter les premiers chanteurs éthiopiens accompagnés de grands orchestres et contribuera à populariser la musique moderne éthiopienne. Narcès Nalbandian est lui aussi une figure essentielle. Par sa grande pédagogie, ses choix de répertoire et la qualité de ses arrangements, il fut un grand instructeur et était respecté de tous les musiciens. C'est aussi au théâtre Haïlé Sélassié Ier, sous la direction de Zellweger, qu'il exprime le mieux ses capacités. Il contribue aussi à la formation de tous les grands orchestres institutionnels. Nalbandian était fan de nouveautés, les premiers disques importés et la radio. Il a toujours eu le souci d'intégrer les traditions musicales éthiopiennes, ternarité dominante des rythmes, gamme pentatonique, plutôt que de trop les occidentaliser. Alors ça fait deux fois que je vous parle de gamme pentatonique. Pour les non-musiciens, nous allons écouter Jason Mayer, ancien premier violon de l'opéra de Boston, entre autres, nous expliquer de ce qu'il s'agit. Ça, c'est une gamme comme on connaît ici, à l'ouest. Il y a 8 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je pourrais même en faire une gamme chromatique. Donc, il va y en avoir 12. Oh, j'adore ce vibrato-là. C'est quoi la différence entre cette gamme-là et d'autres? Par exemple, prenons la gamme pentatonique. Penta. 5 notes. Cette gamme-là, peut-être, était la gamme prototype de toutes. Et donc, ça veut dire qu'il n'y en avait que 5 notes. Et cette octave-là, maintenant, va être remplie de 5 notes. Et voilà. Alors, mais un caractéristique de celle-là, c'est en fait, on peut commencer avec cette note-là. Ici, c'est le Do. Mais on peut faire la même chose pour commencer sur la deuxième note qui serait ici le Ré. Et là, ça crée un autre mode. Ou bien, avec la troisième ton, serait le Fa. Encore autre chose. Très oriental. Pour la quatrième note. Encore une autre sensation, un autre mode. Et là aussi, vous voyez, donc avec cinq notes, on peut créer une variété de sensations, de modes. Alors, comme j'ai dit, prototype, déjà au Japon et en Chine, on avait cette mode en Polynésie, en Afrique, même les Indiens d'Amérique, et les Celtes et les Écossais. Et donc juste pour revenir à la musique éthiopienne, c'est cette gamme-là qui prévaut, c'est la gamme pentatonique. On attend ça. Et parfois, on le trouve dans sa forme mineure. Voilà. I didn't prepare. 蓝旗比野火龙的剑 CC dont on va parler un peu plus tard. Jusqu'en 1974, toute la scène musicale était dominée par les grands orchestres institutionnels qui étaient les seuls autorisés à se produire car il existait un décret royal de 1948 réservant le monopole de production et d'importation de disques à Lager Feker Maber, le premier théâtre national éthiopien et qui était sévèrement appliqué. À la fin des années 50, grâce aux efforts de tous ces instructeurs, une multitude de compositeurs, instrumentistes et arrangeurs éthiopiens étaient arrivés à maturité. Les plus grands chanteurs dont on va parler étaient issus de ces formations institutionnelles, Mahmoud Ahmed, Tlaloun Gesese, Alemayou Essété. Malgré toutes ces influences étrangères, le répertoire est resté résolument éthiopien. La couleur sonore est empruntée aux grands orchestres américains, le format utilisé est celui de la chanson à l'occidentale, avec couplet, refrain, mais les lignes mélodiques sont profondément éthiopiennes. Cette musique dite moderne est directement associée aux instruments importés par les Blancs, à leur apprentissage, mais c'est aussi le résultat de l'appropriation, de la récupération des musiciens éthiopiens de ce savoir pour mieux servir leur style. Début des années 60, les hôtels florissants dans la capitale donnaient aussi des concerts avec de plus petites formations de 6 ou 7 musiciens qui empruntaient leur nom à l'hôtel dont elles appartenaient, le Venus Band, Zula Band. C'était déjà un début d'indépendance, mais ces extras étaient régulièrement punis. Le RAS Hotel, qui appartenait à l'État, programmait des soirées hebdomadaires avec l'orchestre maison, le RAS Band. Composé de musiciens de l'Imperial Bodyguard Band, qui avaient quitté l'orchestre officiel après le premier coup d'État manqué contre l'Empereur en décembre 1960, coup d'État dans lequel la garde impériale avait été fortement impliquée. Ce n'est que vers 1968 qu'émergea timidement, sous l'impulsion d'un jeune producteur, Ama Essété, le premier groupe véritablement indépendant, sans la moindre tutelle d'une institution ou d'un hôtel. The Soul Echoes. En même temps qu'il produit ce groupe, c'est au culot que Essété, âgé alors de 24 ans, créa le premier label indépendant d'Éthiopie, Ama Records. Ama Records produira 103 45 tours et une douzaine de 33 tours, soit près de la moitié de la production discographique éthiopienne des années 70. C'est avec peu de conviction que la direction de Lager tenta de rappeler Essété à l'ordre, mais à cette époque, le négus lâchait du lest et laissait un peu d'espace à cette jeunesse un peu trop remuante. Ama Essété, via son label, produisit tous les grands chanteurs de l'époque. Ce sont ces groupes, ne dépendant pas des institutions, qui furent à la pointe du swinging à 10. Ces artistes avaient une certaine élégance, très 60s, une liberté de parole qui les distinguait des smoking stricts et du devoir de réserve imposé aux salariés des institutions. Signe de l'érosion généralisée du pouvoir impérial, les grands vocalistes de l'époque, tous originellement salariés par les institutions, s'émancipèrent peu à peu du carcan de l'impérial bodyguard, de la police, de l'armée ou du théâtre et laisser l'acier, pour aller étoffer les catalogues des labels de disques, et gagner progressivement leur liberté de popstar à part entière, répondant à l'engouement du grand public. Ama et Sété symbolise alors parfaitement sa génération, profondément éthiopienne, mais aussi soucieuse de s'ouvrir au monde et de partager les valeurs contestataires et modernistes que véhicule si bien la musique anglo-américaine de l'époque. Et ce n'était pas sans conflit avec l'ancienne génération. Il faut aussi noter l'influence de la radio américaine basée au camp de Kanyu à Asmara, la capitale de l'Érythrée. Ce camp était la base des Peace Corps, ONG formée de jeunes américains, médecins, enseignants, agronomes, chargés d'aider les populations locales à leur développement. Là vivaient plus de 3000 jeunes américains, apportant avec eux leur mode, leur comportement et leur musique. Leur radio inondait des tubes de l'époque une partie de la ville que les musiciens érythréens s'empressaient de disséminer. Cette musique moderne éthiopienne est restée exclusivement urbaine. C'est une culture urbaine, récente en Éthiopie, qui a été aussi un facteur essentiel dans l'émergence de cette musique. Hormis les deux villes historiques de Gondar et Aksum, jusqu'à la fin du 19e siècle, l'habitat rural dispersé était la règle. Les rois et autres seigneurs se déplaçaient au gré des saisons, des guerres, de camp en camp, et se déplaçaient avec des dizaines de milliers de personnes, soldats, serviteurs, artisans, femmes et enfants. C'est Ménélik II qui créera Addis Abeba, la nouvelle fleur, au centre géographique du royaume récemment agrandi par l'annexation de nouvelles provinces. Cette nouvelle capitale deviendra rapidement un lieu où se mélangeront des populations de tous les coins du royaume, légations étrangères, commerçants, voyageurs, aventuriers. C'est après-guerre qu'Addis Abeba deviendra la métropole qu'on connaît aujourd'hui. Medneo medla hulu gelash, tata ruim bem em sebe bletrage. Me kna tata ruim bem em sebe bletrage. C'était Bemem Sebeb de Mahmoud Ahmed. C'est en 1975 que prend fin l'aventure Ama Records, lorsque ECT se rend aux USA afin d'acheter du matériel d'enregistrement pour son studio. C'est là-bas qu'il apprend l'emprisonnement du chanteur de son dernier disque, dont certaines paroles contestataires avaient déplu au nouveau pouvoir, puis celui de son père. Il décida donc de rester aux USA, où son exil à Washington durera jusqu'à la chute de la dictature en 1991. Francis Falsetto, qui voulait rééditer une grande partie des productions du label, le rencontra à Washington à la fin des années 80, et c'est ensemble qu'ils partirent à la recherche des masters des enregistrements de Ama Records. Quête qui les mena jusqu'en Grèce, dans les bureaux de Philips Éthiopie, où ceux-ci étaient stockés. On peut imaginer son plaisir de découvrir un tel trésor. Surtout qu'il leur avait fallu attendre la fin de la dictature du Derg, car il était impossible de faire des recherches sous ce régime. C'est grâce à l'entêtement de Francis Falsetto qui a pu convaincre les acteurs de l'époque, assez méfiants et dubitatifs, qu'il était nécessaire de refaire connaître cette musique au monde. Les Éthiopiens ne pensaient pas que leur musique pouvait intéresser les Ferengi, les étrangers, car les paroles ne seraient pas comprises. C'est donc grâce à lui que l'on peut maintenant écouter toutes ces incroyables productions. Suivant la voie tracée par Ama ECT, deux autres producteurs majeurs de la musique éthiopienne se lancèrent. Ali Abdellah Kaifa, dit Ali Tango, ancien vendeur de café, créa Kaifa Records, qui produisit 53 albums de 73 à 77, dont certains de Mahmoud Ahmed et Alemayou ECT. Kassaoum ECT sera lui à la tête de Philips Ethiopia, seule major étrangère à s'être sérieusement investie en Éthiopie. La plupart des morceaux de Getachew Mekuria furent enregistrés chez Philips Ethiopia. Falsetto pense qu'il y a sûrement eu une dizaine de labels en plus, mais ceux-ci sont les principaux. C'est en 1974, sous fond de mécontentement croissant des étudiants et d'une partie des élites, que l'empereur Haïlé Sélassié Ier fut renversé par un coup d'État mené par des militaires, dont le leader était Mengistu Haïlé Mariam. Il mourra ensuite en prison en 1975, officiellement d'un cancer de la prostate, mais il serait plutôt mort par étouffement et jeté ensuite dans une oubliette située sous le bureau de Mengistu. Avec l'arrivée de ce régime militaro-stalinien, le Derg, tout fut démantelé pratiquement du jour au lendemain. Volatilisation des jazz orchestras institutionnels, fin des groupes indépendants et des dinners bands, compte tenu des nouvelles contraintes révolutionnaires. En quelques mois, le couvre-feu mit un terme définitif à toute vie nocturne dans la capitale. Il dura 18 ans sans discontinuer, jusqu'en 1992, un an après la chute de la dictature. Seuls quelques hôtels continuèrent encore de programmer des concerts avec des groupes limités à 4 ou 5 instruments. Censure, intimidation, propagande et exil des musiciens finirent d'annihiler toute expression musicale. Les grandes stars de l'époque étaient parfois même réquisitionnées par la propagande de la télévision. Ajouté à tout cela, l'arrivée des premiers synthétiseurs a fini de tuer jusqu'au souvenir des grandes formations. Dans les années 60, les premiers orgues électriques, Farfisa, Philly Korda, coloraient à leur manière les productions de l'époque. Les synthétiseurs, sans parler de leur son cheap, étaient multifonctions et faisaient boîte à rythme, basse, cordes, cuivre. Il était donc bien plus pratique d'utiliser un de ces appareils que de former tout un orchestre, et ce aussi bien d'un point de vue économique. Cet instrument a finalement autant contribué que le dergue à l'appauvrissement et à la perte du son cuivré de la scène musicale. Et ce phénomène n'est pas propre qu'à l'Éthiopie. Vers 1975 apparaît aussi la cassette, qui accéléra le désastre en cours. Par sa simplicité technique, sa solidité, son prix très bas, la cassette a permis à n'importe qui de s'improviser producteur, mais aussi le plus souvent duplicateur et pirate. La multiplication des productions bon marché et des vedettes d'un jour a vite épuisé l'imagination des rares arrangeurs et des orchestres en activité, ne faisant plus que se copier et ressasser la même soupe. Aujourd'hui, la musique moderne est loin d'avoir retrouvé ses éclats d'avant. À cause de la crise économique héritée du dergue, à cause de la guerre avec l'Érythrée de 98 à 2000, la situation n'est pas favorable à la créativité. Mais aussi, 18 ans d'effroi et de renoncement sans alternative possible ont effacé tout souvenir d'une époque qui paraît si lointaine. Comme je vous l'ai déjà dit, la majorité des Éthiopiens ont oublié même que leur pays a pu connaître une telle effervescence musicale qui allait de pair avec un certain mode de vie. En plus, l'actuelle pénétration de la dominante culture américaine finit d'assombrir un peu plus le tableau. Alors que l'influence anglo-saxonne des années 60 n'avait en rien dissous la singularité éthiopienne et l'avait même nourrie. Pour finir, depuis la période du dergue, une véritable frénésie d'exil s'est emparée des musiciens, comme si l'absence d'avenir dominait les esprits et ne permettait d'autre solution que d'aller dans un fantasmatique nouveau monde. Car la réalité des exilés est pourtant assez peu enviable. Rares sont les musiciens qui ont pu continuer leur activité après avoir quitté l'Éthiopie. Et ceux qui l'ont pu n'auront rarement dépassé la seule reconnaissance de la diaspora éthiopienne, assez fermée sur elle-même. Get it.